إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما من أعظم أصول الإسلام الذي من تركه ضل السبيل فيجب على الأمة الاعتصام بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حبله الذي أمر الله عز وجل بالتمسك به والاعتصام به ونهى عن ضد ذلك من التفرق والتنازع والتشتت فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك حث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاعتصام ونهى عن التفرق فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم رواه مسلم وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الاختلاف والتفرق في الأمة حاصل مع ذمه له فأوصاهم وصية نافعة جامعة فقال لهم كما في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أصحاب السنن وفي هذا الحديث فوائد عظيمة ونصائح غالية بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف واقع في الأمة والتفرق حاصل وأن واجب العبد التمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وأن يحذر من المحدثات في الدين والابتداع فيه والبدعات وأهلها عباد الله من أعظم أسباب افتراق الأمة وتشتتها هو البدعة وأهلها لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الفرقة ملازمة للبدعة كما أن الاجتماع ملازم للسنة لذلك جاء التأكيد على نهي عنها في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى كثيرة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقيل ما هي يا رسول الله فقال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي وفي لفظ الجماعة ولما كانت البدع من أعظم أسباب تفرق الأمة وتشتتها جاءت النصوص الكثيرة في التحذير منها ومن أهلها واتفق السلف الصالح على التحذير منهما وقرروا هجر أهلها وبغضهم في الله بل نقلوا الإجماع على ذلك فالمبتدع والابتداع داء خطير في الأمة سبب لها كثيرا من الفتن والبلاء وكان مصدرا لتفريقها وتشتيتها حتى كانت 73 فرقة منها واحدة ناجية فقط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم. أي يحذروا أهل البدع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. ولهذا اهتم السلف بهذا الأصل العظيم وهو هجر أهل البدع أعظم اهتمام، فسيرتهم مليئة بهجر أهل البدعة وإخزائهم وإذلالهم على ضوء الضوابط الشرعية في ذلك. وإن الناظر إلى الناس تيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتيلة خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سيجد أنهم متبعون لكتاب ربهم مقتفون لسنة نبيهم، لا تعرف البدع إليهم طريقة ولا التكلف والتعمق إلى نفوسهم سبيلا إلا ما كان من حالات فردية يقضى عليها في أولها، ثم بدت تظهر بوادر الفتن في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم ظهرت في خلافة علي أول فرقتين مبتدعتين ضالتين، فوجههم الصحابة والتابعون أشد المواجهة بالسيف واللسان، فحذروا الناس منهم وتبرأوا من البدع وأهلها وهجروهم ونبذوهم حرصا على إبقاء الأمة صفا واحدا على عقيدة واحدة، وعلما منهم أن الابتداع والبدع أشد أسباب تفريق الأمة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن القدرية قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ويقول أبو قلابة رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ويقول الإمام أحمد رحمه الله أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم وأن يخالتهم ولا يأنس بهم، وسار السلف على ذلك والآثار في هذا الباب عنهم كثيرة في التحذير من البدع والتحذير من أهلها على حد سواء. لم يقتصروا التحذير من البدع وتركوا أهلها، فإن البدع لا تسير وحدها، فإذا قمع أهلها مات ما يحملون من بدع. لذلك كان من الضلال قول من يقول حذر من البدعة واترك المبتدع، وهذا خطأ مخالف لمنهج السلف. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذي الخويسرة بعينه وأشار إليه، فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ذي هذا أقوام أي الخوارج. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا بد من التحذير من البدع، وإن اقتضى ذلكم ذكرهم وتعيينهم وتحذير الأئمة من أهل البدع وأعيانهم كثير جدا حملهم عليه النصيحة لله ولرسوله وللأمة كافة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة بل هو أمر واجب شرعي. لذلك يقول أحمد رحمه الله لا غيبة لأصحاب البدع. ويقول الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفونهم فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، بل هذا التحذير من أهل البدع من الجهاد في سبيل الله. يقول ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. وحتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال رحمه الله: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاج وشرعيته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهجر أهل البدع عباد الله على التأديب حتى يتوبوا، يقول البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معادة أهل البدع ومهاجرتهم. وفي قوله نص على بغض أهل البدع ومقتهم وأنهم لا يحبون. وإذا قيل لا يجوز هجر المسلم فوق ثلاثة، فيجيب على عن ذلك القرطبي رحمه الله بقوله: وهذا الهجران الذي ذكرناه والذي يكون عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين، لا تعلق له بالدين. فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا يختلف في هذا، ولا يختلف في هذا. ومن أقوال السلف في مقت أهل البدع والتحذير منهم ما قاله الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله، يقول: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من يعتقد شيئا مما ذكرناه. ومن البدع وهجرانه والمقت له وهجران من ولاه ونصره وساحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. انتهى كلامه. وفي ذلك إشارة إلى أن المرأة قد يظهر السنة ويظن نفسه من أهلها وهو يساحب أهل البدع ويجالسهم، فالمرء بقرينه ويعرف الشخص بجليسه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما يماشي الرجل ويساحب من يحبه ومن هو مثله. ويقول الأوزاعي رحمه الله: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ويقول محمد بن عبيد رحمه الله: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التألف والصحبة. ومن منهج أهل السنة عند التحذير من أهل البدعة ألا يذكروا محاسنهم، بل يقتصروا في النقد على ذكر ما لديهم من البدع ليحذرها الناس، وهذا هو عين الإنصاف، لأن الحال يقتضي التحذير، فلا تذكروا سواء المساواة. لذلك يقول رافع بن أشرس رحمه الله تعالى: من عقوبة المبتدعة ألا تذكر محاسنهم، فإذا ذكر أحد محاسنهم في باب النقد والتحذير فهو داع لهم كما قال ذلك العلماء. عباد الله، إن خطر البدعة وأهلها عظيم على الإسلام والمسلمين، والسبب كبير لتفريق الأمة وتشتيتها، ولا زال أهل البدع موجودين وفرقهم كثيرة ومعلومة للعارفين، ومن قصرها على الفرق القديمة فهو من الجاهلين، بل هي تتعدد وتتغير أسماؤها وأشكالها، فينبغي عباد الله الحذر والتحذير منهم، فهم خطر على شبابنا وأبنائنا. عباد الله، إن التألف والاجتماع لا يفيد ولا يكون نافعا إلا إذا كان على كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الأمة من الصحابة ومن التابعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فيجب أن تكون قاعدة الولاء والبراء هو كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل السنة وآليناه وأحببناه، ومن كان من أهل البدعة تبرأنا منه وبغضناه. أما الاجتماع على غير ذلك من غير التفات إلى عقيدة ومنهج فهو اجتماع بدعي وعلى غير سنة، بل هو تكتل حزبي لمصلحة يريدون بها الوصول إلى مرادهم من أمور الدنيا. عباد الله، إن المبتدع يريد أن يفرق المسلمين عن صراط الله وعن سبيله الواحد إلى سبل البدعة المختلفة، لأن البدعة لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمين هذا الخط المستقيم وعن شماله خطوط قصيرة وقال هذه السبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فالذين لا يلتفتون إلى هذا الأمر الكبير ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، إنما يتبعون تلك الشياطين على رؤوس تلك السبل. وأما سبيل الله رب العالمين فواحد، والطريق واحد، والمنهج واحد، والمنهج واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteurs d'Allah، craignez Allah عز وجل comme il se doit et rappelez-vous du jour où vous retournerez devant Allah. Craignez Allah عز وجل comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah. Et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah. La soumission à Allah Azza wa Jal implique le suivi de la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que vous, le messager vous a ordonné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Comme dans la traduction du sens du verset. Sachez, serviteurs d'Allah, que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah le Très-Haut. Et que la meilleure des guidées est la voie sur laquelle était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah, basées sur aucune preuve, afin de se rapprocher d'Allah par cela. Toutes ces choses inventées dans la religion d'Allah sont des innovations. Et toute innovation religieuse sont un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Ne soyez pas trompés par les gens de l'innovation qui tentent de tromper la communauté en leur faisant croire qu'il y peut y avoir des bonnes innovations. Ces individus se doivent d'être sincères et de craindre Allah Azza wa Jal, car ils se doivent d'appliquer le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. De nos jours, nous entendons des prêcheurs et des prédicateurs aux portes de l'enfer qui disent aux musulmans qui ne savent pas et qui n'étudient pas la religion que certaines innovations peuvent être bonnes. Ceci est dû à leur ignorance même. Car s'ils disent toute innovation, pas toute innovation sont un égarement, ils se doivent de compléter le hadith que pas tout égarement mène au feu de l'enfer. Voyez comment ils trompent la communauté. Ils se tiennent au fait, non, certaines innovations peuvent être bonnes. Et ils tentent de prouver par cela le hadith qui est dans Al-Bukhari, rapporté par Aïcha radiallahu anha, concernant les salat tarawih. Concernant la parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il avait dit quelle bonne innovation. Mais on se doit de comprendre ce que l'on lit. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, celui qui a fait le commentaire de Sahih al-Bukhari, a expliqué dans ce hadith que ce que voulait dire Omar ibn Khattab radiallahu anhu en disant quelle bonne innovation, ce n'est pas l'innovation dans la législation d'Allah. Car cela faisait partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les prières nocturnes, les tarawih, pendant le mois de Ramadan. Les trois premières nuits. Puis, les sahaba, comme ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, ils se sont mis à prier derrière lui. Donc ils priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la quatrième nuit n'est pas sortie. Et les gens attendaient jusqu'à Salat al-Fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, j'étais conscient de votre présence. Mais si je n'ai pas continué à prier les tarawih, les prières nocturnes, c'est de peur qu'Allah Azza wa Jalla la rende obligatoire et que les musulmans par la suite la délaissent. Ça veut dire que si une chose est obligatoire dans la religion et que le musulman la délaisse, ça veut dire que la communauté pêche. Regardez la miséricorde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait de les prier chez lui. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, la législation est complète. Il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à enlever. Donc les gens ne peuvent plus inventer quelque chose afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. S'ils veulent adorer Allah, ils se doivent d'avoir une preuve. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent. La période de Abi Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, elle était courte de 2 ans environ. Et il combattait ceux qui refusaient de donner l'aumône, la zakat qui était obligatoire. Ils ont dit, on l'a donné du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on ne la donne plus. Ashab al-Ridda, ceux qui ont renié l'obligation de la zakat, ça fait deux des apostats. Et le prophète, et Abi Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, les a combattus. Puis, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, durant son califat, il y avait, vous savez, les ouvertures, l'expansion de l'islam, le combat avec les Perses, les Romains. Puis, par la suite, il a ordonné que de rassembler, comme il y avait des groupes qui priaient ici et là, il les a rassemblés derrière un imam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et il a dit, quelle bonne innovation. Ce n'est pas l'innovation dans la législation, puisque, il y a une preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait déjà. Mais c'est linguistiquement du fait que, elle n'a pas été faite tout ce temps-là, depuis la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils essaient d'utiliser des preuves qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne maîtrisent pas en disant certaines innovations peuvent être bonnes. Ils se doivent de compléter le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. S'ils disent pas toute innovation est un égarement, c'est pas le tout qui inclut le tout. Ils se doivent de compléter le tout dans égarement. Donc c'est pas tout égarement qui mène au feu de l'enfer. Ils veulent dire, ces égarés, ces prêcheurs à la bid'a veulent dire que certains égarements mènent au paradis. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et prenez garde de l'innovation et des innovateurs. Serviteurs d'Allah, le fait de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela fait partie des plus importants fondements de la religion. Et quiconque délaisse cela se retrouve égaré, loin du droit chemin. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car cela représente l'anse solide d'Allah, dont Allah a ordonné tous les musulmans de s'y cramponner. Et a interdit les musulmans de se diviser et de se retrouver en groupe et de s'écarter ainsi de l'anse solide d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl à lance solide, au câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Et les versets dans ce sens sont nombreux. Ainsi que dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné à ce que les musulmans se cramponnent tous au livre d'Allah et à la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et a interdit la division, comme dans le hadith rapporté par Abi Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vous agrée trois choses. Que vous l'unifiez dans l'adoration, et que vous ne lui associez rien du tout, et que vous vous cramponnez tous à l'anse solide d'Allah, et que vous ne vous divisez pas, et que vous conseillez ce dont Allah leur a donné l'autorité sur vous, rapporté par Muslim. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé que la division dans la communauté aura certes lieu. Bien que cela soit une chose répréhensible et détestable, il leur a donc conseillé le traitement face à cette maladie qu'est la division. Comme dans le hadith rapporté par Al-Ibad ibn Sariya, qu'Allah soit satisfait de lui, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Je vous ai laissé sur une voie comme blanche, sa nuit et comme son jour, ne s'en égarera que quelqu'un de déviant, quiconque d'entre vous vivra. » verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous fortement. Mordez-y avec vos molaires. Les molaires, c'est la partie la plus forte des dents. Pas avec les incisives, avec les molaires. Pour vous montrer l'image, comment qu'on doit s'accrocher avec force sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et prenez garde à tout ce qui est inventé dans la religion, car ce sont des innovations et toute innovation est un égarement. Également dans le hadith rapporté par Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tout en enfer excepté une. Il lui fut questionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quel est donc le groupe sauvé? Il répondit: ceux qui sont sur ce que je suis, moi et mes compagnons aujourd'hui. Et toutes les narrations concernant ce hadith, hadith al-iftiraq, sur la division de la communauté, sont toutes authentiques. Ne soyez pas trompés par ces individus qui se font des vidéos sur YouTube et des internets remettant en cause ce hadith authentique. Car ce hadith authentique est une preuve contre eux. Ces individus veulent former leur propre secte, leur propre groupe, avoir le pouvoir, les sièges. Et ce hadith détruit leurs ambitions. Et donc, ils veulent dire à la communauté que ce hadith n'est pas important. Et ils veulent dire à la communauté que c'est pas grave qu'il y a différents groupes. Voyez comment ils trompent les musulmans. Il y a un Coran à suivre. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à suivre. Et l'ordre d'Allah azza wa jalla et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont clairs de jour comme de nuit. Cette voie est très claire. Celui qui est destiné à l'égarement, hein, s'en égarera. Si les musulmans, chaque musulman, a la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, celui-ci est sauvé. Mais on se doit de se mettre derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Et non pas sur des voies à côté. Dans ces hadiths, il y a des bénéfices et des conseils à tirer. Tout d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné que les divergences dans la communauté auront lieu. C'est un fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, c'est un fait, elles auront lieu. Ces divisions prendront place. Il est obligatoire donc aux serviteurs d'Allah de s'accrocher au livre et à la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils prennent garde de toutes les innovations religieuses et de ceux qui les pratiquent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous lisons ces deux hadiths que j'ai précédemment mentionnés sur les divergences qui vont avoir lieu et sur le fait que la communauté va se diviser, la division ce n'est pas une chose de bien. C'est quelque chose de mauvais, réprimandé, quelque chose de répréhensible, quelque chose de mauvais. Il n'y a aucun bien dans la division. Ne soyez pas trompés par ces prêcheurs à la fitna, ces prêcheurs à l'innovation, ces prêcheurs à leur secte qui disent « La différence dans ma communauté est une miséricorde ». Il n'y a aucune base sur ce hadith et ce hadith n'est pas authentique. Ne soyez pas trompés par ces sectes, par ces individus qui appellent à leur secte. Lorsque l'on réunit ces deux hadiths, on se rappelle d'un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma anzal Allahu da'an illa anzal lahu shifa'a, alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah, fa'idha usiba dawa'u da'i bari'a bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une maladie excepté, il n'y a pas une maladie qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, excepté qu'il a fait descendre son traitement. Il a fait descendre son... Chaque maladie a son traitement. La division est un mal dans cette communauté. C'est une maladie. Le traitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, qu'il a transmis de son Seigneur, Allah Azza wa Jalla, quel est ce traitement? Accrochez-vous tous à l'anse solide d'Allah. Accrochez-vous tous à l'anse solide d'Allah. Accrochez-vous tous au Coran et à la Sunna. Accrochez-vous tous à cela. Afin de remédier à ce mal qui est la division. Si on se réunit sur la vérité, qui est le Coran et la Sunna, avec et selon la compréhension des sahabes et de ceux qui les ont suivis à la perfection, nous n'aurons pas de division dans la communauté. Car nous avons les mêmes sources. Mais si Hada, il veut comprendre le Coran selon sa tête, ou Hada, il veut réfuter des hadiths, ou remettre en cause l'authenticité de Sahih al-Bukhari, voilà comment le sectarisme se forme. Ces gens ne sont pas intéressés par la vérité. Ils veulent juste que leur nom s'affiche, qu'ils soient la tête de tel groupe, et prétendent par cela qu'ils ne veulent que le bien. Mais comme nous l'avons vu, comme l'a dit Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, combien veulent le bien mais ne l'atteignent pas. Parmi les causes de la division de la communauté, c'est donc ces innovations, ces bédas religieuses et les innovateurs. C'est pour cela que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit la division en secte et en groupe implique l'innovation. Tout comme l'union implique la sunna. De nombreux textes et consensus de nos pieux prédécesseurs mettent en garde contre l'innovation et les innovateurs et le fait qu'il faut se désavouer de l'innovation et des innovateurs et que l'on déteste les innovateurs en Allah. Tous les innovateurs, on les déteste en Allah Azza wa Jal et on se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cela. C'est un acte de désaveu. Mais ne le comprend que celui qui maîtrise la deuxième attestation de foi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La première attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, tu dois attester qu'Allah Azza wa Jal étant l'unique vraie divinité digne d'adoration en toute vérité. Et ceci implique que tu te désavoues de toute la mécréance et du polythéisme et de leurs adeptes. Et l'attestation, et dans la deuxième attestation, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu te cramponnes à la sunna, l'alliance et le désaveu, tu t'allies avec les gens de la sunna. Et tu te désavoues de l'innovation et de ses adeptes. Alliance et désaveu. L'innovation ne se diffuse pas seule dans la communauté. Mais ce sont les gens de l'innovation qui la colportent et la transmettent dans le but de diviser cette communauté de l'islam et l'écarter de la voie sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Vous comprenez donc le danger énorme que représentent les gens de la bid'a et de l'innovation, puisqu'ils sont la cause de la division de la communauté. Et ce qui est impressionnant et ce qui est surprenant, c'est que ces mêmes individus qui, avec leurs innovations religieuses, divisent la communauté, accusent les gens de la sunna que ce sont eux qui divisent la communauté. Tout cela parce que les gens de la sunna disent « Venez, on se réunit sur la vérité qui est le Coran et la sunna ». Dans le hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita, dans la traduction du sens du verset, « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont dû au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, lorsqu'ils sont confrontés aux versets qui portent à plusieurs interprétations diverses, ils disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez des gens suivre ce qui est équivoque, sachez que c'est d'eux dont Allah parle, alors prenez garde. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque l'on observe durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et durant le califat, les califats de Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum, on observe que l'innovation religieuse n'avait aucune place, aucune opportunité de s'introduire sur leur voie, excepté s'il y avait des cas isolés pour lesquels l'innovation était détruite dès son départ. Puis vers la fin du califat de Othman ibn Affan, radiallahu anhu, les troubles commencèrent à apparaître avant que les groupes innovés s'introduisent dans le califat de Ali, radiallahu anhu. Les sahabas les ont donc combattus avec l'épreuve et l'épée. C'est pour cela qu'ils interdisaient le fait de s'asseoir même avec les gens de l'innovation et qu'ils insistaient énormément sur le fait qu'il faut les détester en Allah et s'en désavouer. Ibn Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il fut questionné sur les qadariyas, ce sont ceux qui rejettent le qadr, le destin, qui ne croient pas au destin, qui disent que ce sont les créatures qui créent eux-mêmes leurs actes et qu'Allah Azza wa Jal ne sait pas ce que font les créatures jusqu'à ce que ces individus les créent. A'oudou billah. Lorsque Ibn Omar, radiallahu anhu, un sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut questionné sur ces égarés, ces mubtadi'a, ces innovateurs, il dit: si vous rencontrez les qadariyas, dites-leur que je me désavoue d'eux et qu'ils sont désavoués de moi. Ibn Abbas radiallahu anhu dit: ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car leur assise rend les cœurs malades. Abu Khilab rahimallah dit: ne vous asseyez pas avec les gens des passions, n'argumentez pas avec eux, car ils risquent de vous faire pencher vers leur égarement ou vous mettront des doutes sur ce dont vous savez. L'imam Ahmed rahimahullah dit: il n'est permis à personne de s'asseoir avec les gens de l'innovation, ni de se mélanger avec eux, ni de les prendre pour compagnie. Et comme vous voyez, les pieux prédécesseurs ne s'en tiennent pas uniquement à mettre en garde contre les bédas, contre les innovations, mais ils condamnent et mettent en garde contre les innovateurs. Fait donc partie de l'égarement. Ce genre de propos, ceux qui disent qu'il faut mettre en garde contre l'innovation, mais ne parlent pas sur l'innovateur. Ceci est un clair égarement. Et ceci est en totale contradiction avec la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde clairement sur Dhul Khuwaysira, cet individu qui est le prédécesseur de la secte des Khawarij. Il a mis en garde contre lui en disant, en le montrant et en disant, de cet homme-là sortira des gens, c'est-à-dire les Khawarij. Cheikh l'Islam rahimahullah a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il est obligatoire de mettre en garde contre l'innovation en dénonçant les innovateurs, et cela en tant que sincérité envers Allah. son envoyé et toute la communauté. Et cela ne fait pas partie de la médisance qui est interdite, mais cela est obligatoire selon la législation. C'est pour cela que l'imam Ahmed a dit, n'est pas considéré comme étant de la médisance lorsqu'il s'agit de parler contre les gens de la bid'a, de l'innovation. Et l'imam Ibn Abi Zamanin, rahimahullah, a dit, et les gens de la sunna ne cesseront de dénigrer les gens égarés des passions en interdisant leur assise, en mettant en garde contre leurs pratiques et leurs comportements, et cela n'étant rien de la médisance sur eux. Mais ces mises en garde sont un jihad dans le sentier d'Allah. Et Cheikh l'Islam bin Taymiyyah rahimahullah a dit, les gens de l'innovation, parmi ceux qui transmettent des propos opposant le Coran et la Sunna, ou les adorations opposant le Coran et la Sunna, clarifier leur état et mettre en garde contre eux, cela est une obligation selon le consensus des musulmans. Et il fut dit à Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, l'homme qui jeûne, qui prie les prières nocturnes et fait l'i'tikaf, la retraite pieuse, est-il mieux pour toi ou bien qu'il parle sur les gens de la bid'a, de l'innovation? Il répondit, s'il fait les prières nocturnes ou fait la retraite pieuse, cela sera un bien pour lui seul en termes de récompense. Tandis que s'il parle sur les gens de l'innovation, en les dénigrant et en mettant en garde contre eux, cela est un bien pour tous les musulmans, cela est mieux. Il est également obligatoire de s'écarter physiquement et de refuser de s'asseoir, de marcher et de prendre pour compagnie les gens de l'innovation. L'imam al-Barawi rahimahullah a dit, les sahaba, ceux qui les ont suivis et les savants de la sunna sont en accord sur le fait qu'il faut prendre pour ennemi les gens de l'innovation et de s'en écarter totalement. Et si quelqu'un dit, il n'est pas permis de s'écarter et de ne pas parler aux musulmans plus de 3 jours. L'imam al-Qurtubi rahimahullah répond à cela en disant, le fait de s'écarter du musulman et qu'il ne faut pas dépasser 3 jours, cela concerne uniquement les choses de ce bas monde dont l'individu s'est énervé pour cela. Mais cela n'a rien à voir avec la religion, car s'écarter d'un musulman pour des péchés qu'il commet et pour les innovations qu'il fait, cela est obligatoire jusqu'à ce qu'il se repente, et il n'y a pas de divergence sur cela. L'imam Ibn Battah rahimahullah a dit, ne demande pas conseil aux gens de l'innovation concernant ta religion, ne les prends pas pour compagnie dans ton voyage, et si tu le peux, ne les aie pas dans ton voisinage, et qu'il fait partie de la sunna de se désavouer d'eux, de s'en écarter et de s'écarter également de ceux qui s'allient avec les gens de l'innovation, qui les supportent et qui les prennent pour compagnie, même si celui qui s'allie avec eux agit de la sorte, hein, et qui agit de la sorte montre en apparence la sunna. Il montre en apparence la sunna, mais il s'assoit avec les gens de la bid'a et il les supporte ou il les prend pour compagnie. Eh bien, faut également se désavouer de ce genre d'individu. Ceci prouve que l'individu peut montrer en apparence la sunna et prétend faire partie des gens de la sunna, alors qu'en même temps il s'allie avec les gens de l'innovation et s'assoit avec eux. Et on connaît l'individu selon sa fréquentation. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, l'homme marche avec et prend pour compagnie ceux qu'il aime et ceux qui sont comme lui. L'imam al-Awza'i rahimahullah a dit, quiconque nous cache son innovation ne nous cachera pas ses fréquentations. Et ce qui fait partie de la voie de nos pieux prédécesseurs, c'est qu'il n'est pas permis, lorsque l'on met en garde contre les innovateurs, de mentionner leur bon côté, car cela est en réalité une invitation à suivre ces innovateurs. Serviteurs d'Allah, la voie de nos pieux prédécesseurs est claire, et que l'union des musulmans n'est correcte et n'est bénéfique que si cette union se fait sur le livre d'Allah et sur la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis à la perfection. L'imam Malik rahimahullah a dit, le succès des dernières générations ne s'obtiendra qu'à travers ce qui a fait le succès de la première génération de cette communauté. Ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à cette époque-là n'en fait pas partie aujourd'hui. Serviteurs d'Allah, les innovateurs ne cherchent qu'à diviser la communauté musulmane afin de les écarter de la seule voie droite d'Allah le Très-Haut. dans le seul but d'accomplir ce qui est conforme avec leur passion et non ce qui est conforme avec la législation d'Allah le Très-Haut. Rappelez-vous ce hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, selon Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une longue ligne droite sur le sol. Et il a dit, ceci est la voie d'Allah. Ceci est la voie d'Allah. Une seule ligne droite. Ceci est la voie d'Allah. Puis à droite et à gauche de cette longue ligne droite, il a tracé des petites lignes. Et il a dit, cela sont les petites voies. Sur la tête de chaque petite voie, il y a un diable qui invite les gens à les suivre. Donc celui qui refuse de se conformer à la sunna, de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suit en fait un shaitan, un diable sur chaque voie et qui le pousse à diviser la communauté musulmane. Donc nous comprenons le danger de l'innovation et des innovateurs. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Rappelez-vous constamment ce hadith. Le jour de la résurrection, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mettra sa main dans son bassin al-Kawthar et que les musulmans viendront pour boire de sa main, les mubtadi'a, les ahlul bid'a, ceux qui veulent diviser la communauté, voudront venir boire. Mais les anges les empêcheront de venir. Des barrières seront mises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra par les traces d'ablution qu'ils ont sur leur corps. Et il dira, mais ce sont des gens de ma communauté. Les anges répondront, لا تدري ماذا صنعوا بعدك بدلوا وغيروا. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé et modifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira alors, suhkan suhkan liman baddala wa ghayr. Loin de moi, pour celui qui a changé et modifié. Et rappelez-vous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al mar'u ma'a man ahab. L'individu est avec ceux qu'il aime. À vous de choisir votre camp, celui des gens de la sunna ou celui des gens de la bid'a et de la division. On demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur la sunna et de faire en sorte que l'on soit parmi les gens de la sunna jusqu'à notre mort. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arina al-batil batil warzuqna ijtinaba. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.